Mais pour ce qui est de la santé, parce que là, je parlais du cas de ma mère qui est un cas réel, là, c'est pour ça que plus ça m'habite parce qu'on se rapproche de Pâques au moment où elle produit cet enregistrement. Toi, dans le fond, si tu es dans une situation que tu es malade, tu as assez des moyens conventionnels, puis tu es toujours malade, est-ce que tu voudrais tenter quelque chose au niveau occulte? Non. OK. Non, comment je pourrais dire ça? J'ai tout le temps une attitude genre, ben, si je suis malade, je suis malade, puis s'il faut que je creverai. Donc, tu es Tu sais, c'est pas. détaché par rapport à ta personne. Ben oui, même enfin, j'étais de même. J'ai pas peur d'être malade, ni de la douleur physique, ni. Ça m'inquiète pas. Ça m'a jamais vraiment inquiété. Par contre, au niveau de ma santé, bon, c'est sûr que bon, je vais prendre certaines affaires qui stimulent le système immunitaire. Je vais être porté à boire des choses que bon. Ben, tu sais, comment je pourrais dire ça? J'ai quand même mes habitudes par rapport à ma santé, là. C'est pas Ben comme j'en prends soin pareil. non, mais comme par exemple, tu mentionnais quelques secondes que tu prendrais des choses qui servent à faire prendre soin de ton système immunitaire, comme quoi, par exemple? Ben là, t'as. Moi, j'ai surtout des. Comme si j'ai. Au niveau de tout ce qui est alternatif, moi, c'est plus vers. L'Indonésie, la Malaisie, puis la Chine. Donc, t'as l'angélique chinoise, ils se vendent c'est des grosses pilules noires, grosses de même. Il y a du poivre là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires. Puis ça goûte le fond de tiroir. Puis là, tu manges ça. Mais ça stimule le système immunitaire. Puis ça nettoie un petit peu, sans être d'une façon agressive, ça nettoie un peu le système digestif. Mais c'est le genre d'affaires. J'en prends peut-être une par semaine, à peu près. C'est comme par habitude. Puis bon, t'as d'autres affaires. C'est des affaires fermentées. C'est souvent des médicaments, c'est noir, puis ça goûte dégueulasse. Mais c'est pas vraiment des médicaments, dans le fond. C'est juste. Ben, c'est souvent des racines fermentées. Puis. Mais juste le poivre, c'est un médicament. C'est drôle à dire, le clou de girofle. L'huile de clou de girofle ou l'huile de fleur de clou de girofle. Puis, ben moi, mes pharmacies sont toutes là. Là. Puis, j'ai toutes mes affaires là-dedans. J'ai de OK. quoi pour toutes. Si je me coupe, si je me brûle, si j'ai mal, si j'ai mal à des muscles, si j'ai tout de quoi pour toutes. Tellement, des fois, ça surprend mes proches. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui se coupe. Je dis, ah, ben, j'ai une huile pour ça. Puis là, j'arrive, j'en mets un peu sur un coton-tige, puis je mets ça. Puis là, la personne est toute surprise, elle dit, ça l'a arrêté le sang. Je dis, ben oui, ça arrête le sang, puis ça va cicatriser plus vite. Puis dans ce cas-ci, l'huile qui accélère la cicatrisation, ça serait laquelle? Ben là, c'est une huile qui vient de Hong Kong, c'est de l'huile d'os de pique, là. Je connais pas les ingrédients parfaits, mais je sais qu'à cicatrice, j'imagine qu'il y a du sang de dragon là-dedans. C'est juste une sève, c'est un arbre que quand tu le coupes, il coule une sève rouge. OK. Puis, il y a longtemps, il y a des gens, par une pensée analogique, par analogie, ils se sont dit, ben, si l'arbre sécrète ça pour se cicatriser, ça doit être bon pour cicatriser les blessures de la peau. Parce que, dans la pensée chinoise, ben, on a pour ancêtre toutes les autres créatures vivantes. Puis tous les règnes sont dans le règne humain, tu sais, on est en même temps minéral, végétal. Fait qu'ils s'étaient rendu compte que oui, ça cicatrisait la peau. Mais c'est toutes des affaires. T'sais, là, on tombe dans certains aspects de ma personnalité qui sont bizarres un peu, là. C'est des affaires Ben, que. je te juge pas dans le sens que si pour moi c'est effectif, c'est le résultat qui Ah oui, ça compte. marche. Ben, c'est ça. C'est moi je suis centré sur le résultat, peu importe le moyen. Donc Ah oui, si ça brûle, si t'as une brûlure, par exemple, ça arrête la brûlure immédiatement. OK. Mais la plupart, dans ce type de médecine-là, la plupart des choses, c'est des embrocations, des cataplasmes, des affaires de même. C'est-à-dire, tu vas avoir des huiles de plantes C'est des huiles, souvent, c'est des affaires assez. C'est comme les huiles médicalisées, telle huile de fleur blanche, c'est ce qu'ils appellent du parfum de vieille madame. Parce que tu vas à Hong Kong, les vieilles dames, ils sentent souvent ça. Mais c'est une huile blanche, c'est du menthol. C'est de l'huile de menthol mélangée avec d'autres. Puis ça dégage les bronches, je veux dire. C'est des affaires, tu te frottes le cou avec ça de temps en temps. Puis ça va faire que tu vas moins pogner des virus parce que c'est comment je pourrais dire, c'est assainissant. Dans le sens que, bon, ça dégage tout l'appareil respiratoire. Mais c'est tout. Après, tu as je comme juste l'huile de clou de girofle. Mais moi, ce que j'ai, c'est des vieilles recettes asiatiques où c'est dilué. Puis que c'est des familles, souvent, que ça fait des générations qui les font. Puis bon, finalement, tu sais, je suis pas trop partisan de. Il y en a qui ont ramené ça comme si c'était nouveau, là. L'embaumement vivant, là. Puis là, il faut que ça soit de l'huile pure, de ci, puis de ça. Puis c'est comme si c'était nouveau. Mais je veux dire, en Asie, ça fait longtemps que c'est ces affaires-là. Mais c'est des recettes dosées par. T'as déjà des compagnies que ça fait des générations qu'ils font. Puis t'as pas à. C'est comme pour les douleurs musculaires. T'as des huiles qui replacent les muscles. Carrément, là. C'est juste faut que tu connaisses un peu les points, les méridiens, puis certains principes. Là. Tu t'en vas sur un point, tu frottes. Mettons, si tu le sais, c'est une congestion, qu'il y a une tension qui s'est accumulée. Ben là, tu frottes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis à un moment donné, clouc, le nerf, il se replace, puis le muscle se replace. Mais tu as des affaires, telle huile, t'as certaines huiles de racine que, à mettons que tu le sais, que tu manques de circulation des jambes, par exemple, tes jambes engourdies, puis si tu frottes avec ça stimule la dilatation des vaisseaux. Puis tu le vois tout de suite, les veines apparaissent à la surface de la peau. Là, tu vois des petites veines que tu n'avais jamais vues qui apparaissent. Ça a un effet, c'est immédiat. Mais ça, c'est une huile. Ils mettent ça aux enfants quand ils ont la grippe. Là, c'est posomron. Sais, c'est comme. C'est quoi dans l'autre? C'est comme les huiles. Les embrocations musculaires, puis zengushui, puis toutes ces affaires-là, mais c'est toutes des affaires que si tu vas à Hong Kong ou à Taïwan, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. C'est toutes des affaires, tout ça dans le quartier chinois. Tu vas dans le quartier chinois, puis c'est des affaires des fois que ça fait 1000 ans que c'est connu. T'as juste Ouais, boire. ben moi j'ai l'impression que tu es plus proche des médecines traditionnelles chinoises ou asiatiques que la science médicale occidentale, là, Ben oui. pharmaceutique, là, qui utilise des produits chimiques. Ben oui, ça se compare même pas. Même pour les effets. C'est comme. Tu sais, j'en ai pris des affaires comme des sirops, comme ils vendent à la pharmacie pour la toux. Mais ça me fatigue l'estomac. C'est dur à digérer. Puis. Maintenant, on a des sirops, je veux dire. C'est comme. Comment il s'appelle? Il y a un sirop chinois, c'est du loquat, c'est un petit fruit. Le sirop, il goûte bon. Tu sais, je veux dire, on est porté à vouloir prendre oh, le sirop Lambert, ah, oh, Buckley, ça goûte méchant, mais ça marche. Dans le fond, c'est juste la compensation, c'est-à-dire la personne, ça va la rassurer, puis elle se dit, ça fait effet, c'est pour ça que ça goûte méchant. Elle s'auto-suggestionne. Ben oui, puis le sirop que je te parle, c'est pas cher, puis c'est du loquat, puis du miel, puis du jus de radis. Puis c'est juste que ça a un effet expectorant. Ça dégage, mais ça a effet tout de suite. Tu sais, t'as pas à attendre longtemps. C'est comme les grosses pilules noires que je parle, que juste ça, t'en prends une de temps en temps. Moi, en tout cas, je l'ai constaté, j'ai moins souvent la grippe. Mais c'est sûr que ça goûte le poivre, il y a du poivre là-dedans. Mais il reste que c'est des. C'est des ingrédients quand même. Des fois, ça peut avoir l'air bizarre. Mais il reste que. Des fois, c'est pas un effet au niveau chimique et moléculaire, là. C'est vibratoire. C'est la vibration de la plante. C'est des affaires, dans le fond, c'est une médecine qui est plus simple, au fond. On voit ça comme compliqué parce qu'on ne pense pas de la même façon. C'est pas une pensée linéaire. C'est sûr que si tu dis à quelqu'un, ah, pour telle affaire, achète des petites étoiles de mer séchées, mets ça dans ta soupe, le monde dit, ah, c'est dégueulasse. Ou bien, tu prends des papillons de nuit, puis tu mets ça en poudre, puis tu bois ça avec de l'eau chaude. Arc, c'est dégueulasse. Ben oui, mais ça marche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis c'est pas juste de la suggestion, Ben, là. c'est là que je voulais en venir, c'est qu'il y a peut-être une partie d'effet placebo. Ben non, mais c'est comme celle qui arrête le sang, là. L'huile qui arrête le sang, ça marche. Celle qui se stimule, qui est un vasodilatateur, tu le vois tout de suite. Ça m'est arrivé, je faisais des redressements assis. Puis des fois, bon, j'avais mal dans l'abdomen parce que maintenant, il veut pas, il y a de l'acide qui s'accumule puis ça fait mal. Puis je me frottais avec ça parce qu'ils mettent ça sur le ventre des bébés quand ils ont des coliques. Ben, par après, je voyais toutes les petites veines. Ça, tu viens comme si toutes des petites veines qui étaient sorties. Puis je suis là, aïe, aïe. Fait que là, je regardais les ingrédients, je refouillais dans mes livres, puis là, ça l'expliquait, c'était un vasodilatateur. Fait que c'est sûr, tu vois toutes les petites veines apparaître, puis je veux dire, c'est pas juste psychologique, là, ça a des effets physiologiques. C'est pour ça qu'il y a des affaires là-dedans, il faut aussi faire attention, parce que faut quand même avoir certaines connaissances, parce qu'il y a des affaires que si tu te mets ça, tu t'en mets beaucoup sur la peau, puis tout, tu vas te brûler, là. Tu vas... J'en ai une là, que c'est comme le venin d'abeille. Mettons que j'ai vraiment une douleur, un nerf, puis que je pas, il n'y a rien qui fait effet. Là, je vais geler le nerf avec du venin d'abeille. Mais il reste que, bon, ça marche et c'est automatique. Il n'y a pas un antidouleur qui peut faire ça, là. Mais il reste que c'est des venins. Tu peux te servir le venin de scolopendre, le mille pattes, le venin de crapaud. Le venin d'abeille, c'est très efficace. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu achètes ça, du venin d'abeille, il est dilué, là, c'est une petite bouteille, puis tu as une abeille dans le fond de la bouteille. Ben, le monde qui m'entoure, c'est sûr que j'ai des affaires dans ma pharmacie, ils trouvent ça épouvantable, là. Ça a Mais tu vas l'air leur de. faire peur, là. Ils vont dire, ah, il va-tu s'intoxiquer avec le venin? Ben non. Ben non, je connais quand même m'en servir. T'sais, ça fait 15 ans là, que je lis là-dessus, que je m'intéresse à ça. Parce que il y a des affaires que je ne savais pas comment le régler. Puis finalement, j'étais allé voir des médecins. Puis ce qui me sortait, ça avait tout le temps pas d'allure. Fait que finalement, j'ai dit, je vais regarder de mon côté au niveau de ma vibration ce que moi, mon instinct me dit. Puis finalement, il y a des affaires que j'ai réglé ça comme ça. Fait que finalement, bon, je veux dire, c'est pas comme Pfizer qui te sort une affaire en 2 semaines, là. Je veux dire, des fois, ça fait 4 000 ans que c'est su. Puis, c'est des affaires qui s'introduisent dans la vie de tous les jours. C'est comme l'angélique chinoise. En plus, ça goûte bon, ça goûte le céleri. Fait que quand je fais du poulet, j'en mets dedans. J'en ai tout le temps un peu. C'est sûr, c'est des affaires, bon, comme ça, je le fais venir de Taïwan. Je le sais que c'est cultivé, tu sais, qu'il n'y a pas de métaux lourds, puis, tu sais, j'ai confiance. Je le ferai pas venir de des raccoins de la Chine que je connais pas, là. Tu sais, je vais le faire venir de des places que j'ai plus confiance, comme telle affaire que c'est faite à Hong Kong, mais je sais qu'il y a des hauts niveaux de. De standards de qualité, là. Parce que Ben c'est sûr oui. qu'en effet, par rapport à la Chine, n'ayant pas les mêmes normes environnementales par rapport à l'agriculture qu'ici en Occident, il y a des endroits que tu te poses la question, tu vas pas plus t'intoxiquer que de guérir avec les produits. Ben oui, ben c'est comme à un moment donné, on finit, on connaît aussi les fournisseurs. Puis c'est comme Toronto. Il y a pas mal, il y a une grosse communauté chinoise. Puis à un moment donné, bon, comme l'Angélique, moi je voulais être sûr, là, puis qu'elle soit de qualité. Puis c'est comme, il y a certaines plantes que j'avais fait venir des fois, puis je le voyais. De toute façon, maintenant, tu viens que par instinct, tu le vois que la qualité est. Puis là, finalement, je suis mon. Moi, c'est vraiment de la vibration. Je réfléchis pas, là. Mais il reste que je fais pas n'importe quoi non plus. Mais il reste que mes pharmacies, ils barrent toutes, ils sont toutes barrées tout le temps. Parce que je veux pas non plus, quand je suis pas là, qu'il y ait du monde, oh, je vais mettre ça. Il m'a montré l'autre fois que c'était bon, puis tout. Puis là, finalement, tu sais, c'est parce qu'il faut pas en mettre trop. Puis souvent, tu vas avoir des recettes que tu as une plante qui a tel effet. Là, elle combine à une autre plante pour avoir tel effet. Puis là, il y a une troisième plante qui, elle, est là pour atténuer l'effet de. Puis c'est des recettes bien dosées, puis bien précises. Puis il faut pas. Bien, ça me fait penser, nous autres, avec nos médicaments, qu'on va prendre des médicaments qui vont occasionner des effets secondaires, puis là, ça va occasionner de prendre d'autres médicaments pour neutraliser les effets secondaires. Moi, ouais, ben, c'est pour ça que j'ai une affaire pour tout, là. Mais c'est comme. Mais je tiens tout le temps ma pharmacie. Mais c'est comme si jamais je me brûle, j'ai quelque chose pour ça. Puis je ne mettrai pas la même chose si je me brûle avec de l'eau bouillante ou si je me brûle en touchant du fer chaud, par exemple. Parce que c'est pas le même type de brûleur. Puis si je me coupe. J'ai des affaires pour désinfecter, mais tu sais, tu peux pas mettre n'importe quoi sur n'importe quoi, là. Parce que là, en plus, c'est des affaires, ça m'a pris des années pour apprendre tout ça. Parce que quand tu reçois les instructions, c'est tout en cantonais ou en mandarin. Fait que là, à un moment donné, il a fallu que. Bon, par exemple, la première fois, j'essayais une affaire, je l'étudiais pendant des mois souvent. Là, à un moment donné, c'est comme. De toute façon, il y en a tellement. Il y a tellement d'affaires. C'est une médecine qui est tellement vieille. Puis, c'est incroyable, là. Mais il y a des affaires que ça fait longtemps que c'est su, puis que tu peux avoir à l'épicerie, là, je veux dire, du melon d'eau. Il y a certains troubles que tu prends du melon d'eau, puis ça va régler le problème. Il y a des affaires comme. Tu sais, c'est comme du clou de girofle, n'importe qui peut aller acheter ça, là. C'est comme de l'écorce de mandarine, là. T'as juste à les garder quand tu manges une mandarine, tu gardes l'écorce. T'as laissé à la noirceur, puis t'attends quelques années. Mais de la vieille écorce de mandarine, j'en ai tout le temps. La première fois que j'en ai acheté, j'avais payé cher, j'en avais acheté. Elle avait 20 ans. Là, ça, c'était un couple qui est à Montréal, là, qui sont bien connus, qui vendent des épices, là. Etnée puis Philippe de Vienne. J'avais fait venir de l'écorce de mandarine extra vieille. Mais ça m'avait coûté cher, master. C'est moi qui avais, je veux dire, j'en achète plus, là. Des fois, mettons que j'en ai pas vite fait, là, je vais en commander. Mais ça n'est pas obligé d'avoir 20 ans. T'sais, mais tu fais bouillir ça, puis tu bois ça comme du thé. Mais c'est bon pour tout l'organisme. C'est bon pour les reins. C'est bon pour la vessie. C'est bon pour la prostate. Bon. Tout ce qui est l'appareil urinaire, puis qui est connexe. C'est bon pour l'estomac. C'est tout lié. Mais finalement, c'est des affaires que. Je sais pas. On ne parle pas de ça. C'est pas. Le monde, c'est tout le temps vendre des affaires. Ce qui va arriver, bon, on va nous faire peur. Ah, le sang de tout le monde est empoisonné par la protéine Spike. Mais si vous venez sur mon site, j'ai telle poudre que je vends. Puis dans le fond, la personne, elle sort de la crainte du monde pour faire une cote. Puis dans le fond, c'est comme. Ben, c'est une récupération instrumentale de la part des gens pour leur vendre des produits. Mais ce que tu Tu prends parles, de l'argent. c'est ça, c'est une opportunité d'affaires faire sur le dos des gens qu'on dit qui s'éveillent. Puis, non, ça, je suis clair par rapport au jeu de certains lanceurs d'alerte, là. Je vois clair comme toi, là, par rapport à ça. C'est tellement évident, là. J'ai comme une de mes tantes, elle a embarqué dans tout ce qui était pyramidal. Comme là encore dernièrement, je ne sais plus trop et dans quoi, mais avant ça. Là. Mais à un moment donné, c'était l'huile de Melaleuca. Mais là, il fallait que ce soit cette marque-là qu'elle vendait. Puis. Mais l'huile de Melaleuca, j'en ai tout le temps, mais c'est pas la même marque, moi, c'est sûr, elle a un autre nom, puis elle vient. C'est des Asiatiques qui ont une ferme en Afrique. Mais c'est un peu comme l'huile de titri. T'as pas besoin de. Pour en avoir une de qualité, t'as pas besoin d'acheter telle marque puis telle autre marque. Puis T'as juste à connaître un bon fournisseur. Il y en a un à Singapour que, tu sais, la famille est bien ancienne, puis je le sais qu'il est de qualité. Puis, admettons, quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui a des champignons au pied ou... C'est niaiseux, ça coûte 6 écus la bouteille. Puis ça se garde des années. Puis même, ils rajoutent de quoi qu'elle se garde un petit peu plus longtemps. C'est pas vrai que c'est obligé d'être pur. Puis en tout cas, tu sais, le monde, il paye des fortunes. J'en reviens pas, moi, ce que le monde, il... C'est bien trop cher, je veux dire. C'est comme... les fournisseurs qu'il y a en Indonésie, pas en Malaisie, puis que je le sais que c'est de qualité, puis c'est l'arrière-arrière-grand-père qui avait fondé, puis que c'est pas cher, là. Mais quand je regarde ça, je me dis, le monde, ils se font fourrer ben raide. En plus, avec des affaires de peur, puis c'est des mélanges en plus des fois que finalement, moi, j'aurais pas confiance. J'ai bien plus qu'on. C'est pour ça que finalement, moi, c'est toujours l'intégration par l'individu. Ce que je sais, je l'ai appris tout seul. Je l'ai appris tout seul, puis c'est pas par des influenceurs. Ma propre influence, c'est ma vibration, puis mon instinct, mon intuition un peu. Puis il y a des affaires, bon, des fois, ça paraissait erreur. Ben, c'est ça aussi que tu es autodidacte, dans le sens qu'au Québec, les gens qui s'intéressent aux médecines traditionnelles chinoises, ça court pas les rues. Nous autres, ce qu'on nous fait la promotion ici, c'est tout le modèle pharmaco-chimique. Ben même au Québec, on a pas mal d'acupuncteurs. Mais, tu sais, c'est de l'acupuncture californienne, j'appellerais. Donc, bon, tu sais, c'est un peu comme, t'as un paquet de monde, tu sais, c'est pas la vraie... En Non, tout cas... mais moi, la façon que je vois ça, si on parle de la technique en acupuncture qui est donnée au Collège Antique à Montréal, parce qu'il y a un ordre professionnel, puis c'est comme reconnu par la science officielle, c'est vraiment lié à des réactions chimiques par rapport au corps, de ce que je comprends. C'est pas un volet, comment dire, le yin puis le yang, là, puis les points énergétiques dans l'essence de la médecine traditionnelle chinoise, là. Ouais, ben ça n'aura pas non plus des effets. Je pense pas que si je demande à un acupuncteur au Québec, OK, paralyse-moi une jambe. Mais place ça là, pour que j'aie la jambe paralysée. Il ne sera pas capable. Mais pourtant, c'est faisable. C'est un peu comme. Tu sais, c'est pas je veux dire, il y a des affaires que les Chinois sont bien. C'est un peu comme même les Indiens puis d'autres cultures. Ils sont dans le secret un petit peu. Il y a des affaires, c'est secret un petit peu. Puis c'est un peu comme. Regarde le Tai Chi, c'est devenu une gymnastique nouvel âge. Puis là, beaucoup de personnes âgées font du Tai Chi. Puis le Tai Chi, là, c'est l'art martial le plus létal, le plus dangereux. Les vraies techniques. Puis c'est fait pour tuer. Mais ce que nous autres, on a au Québec, puis le monde qui sont dans le Tai Chi, puis c'est des affaires, c'est devenu une gymnastique nouvel âge. Même Puis chose pour c'est. le yoga. Ben. Pourtant, les vrais. Ils font des mouvements, puis là, ça régule telle affaire, puis blablabla. Non, tel mouvement, telle position, c'est pour atteindre tel point sur une tempe très rapidement, après avoir eu un autre point, puis ça finit que, bon, la personne, elle meurt, le cœur arrête. C'est ça, la base de la technique, puis c'est pour ça que ça avait été développé. Tout le reste, oh, non, tu sais, ça, c'est des affaires qui sont accumulées après. Pourquoi? Parce que c'est de l'ésotérisme quelque part, c'est-à-dire que. Il y a des affaires, ça a été, c'est secret. Tu sais, tu peux être initié à une base, puis ils vont te dire, ah, c'est pour telle affaire, mais la vraie technique, c'était pas pour ça. C'est comme Bernard, quand il disait, ah, les méridiens, les Chinois ont découvert ça parce qu'ils sortaient de leur corps, puis là, ils voyaient, c'était pas de même, là. Il y en a que, ils ont testé, des choses sur des animaux, même des prisonniers. C'est vraiment d'une façon empirique que ça a été découvert puis que ça a été développé, ces sciences-là. On n'est pas pour tomber dans des affaires de contes et légendes, mais c'est pourtant, c'est devenu. On se compte des histoires, là. Puis, il y a des affaires que, dans le fond, il y a tout un fatras ésotérique qui s'est rajouté. Pourquoi? Parce que, dans le fond, c'était des secrets qui se passaient d'une génération à l'autre, parce que des fois, c'était lourd de conséquences. À un moment donné, quand tu découvres comment arrêter le cœur de quelqu'un, c'est sûr, c'est comme si tu venais de découvrir une arme. Ouais, une arme qui est létale. Ben oui. Fait que là, c'est sûr que par après, bon, les écoles qui transmettent ça, puis tout, ben souvent, ça va, ils vont enjoliver, puis mettre d'autres choses. Pis finalement, c'est pas En tout cas, ça finit que c'est transmis pareil, mais finalement, pour finalement savoir si c'était la vraie provenance, puis la vraie fonction de certaines choses, des fois, tu fais le saut, puis tu te rends compte que c'est des niaiseries. Qu'est-ce qu'il y avait en arrière des niaiseries, c'est ben ben sérieux, puis c'est pas mal plus simple que tu pensais, c'est pas aussi compliqué, puis ça n'a pas rapport avec. Il y a des. C'est juste dans le Tai Chi. Il y en a qui pensent si tu fais certains mouvements 10 000 fois, tu peux devenir immortel. Puis. Voyons, des fois, c'est juste. C'est des affaires bien simples. C'est juste au cas où la façon de bloquer le bras de quelqu'un bien rapidement. Puis de frapper deux points de suite. Pour paralyser à côté de la personne. Ou y paralyser le bas du corps. Puis après, tu le pousses pour t'en débarrasser. Mais le monde est. Ils pensent que c'est des affaires sont dans de la pensée magique. Non, non, Mais c'est ça, anciennement, le et monde, ouais. la vie était dure. Puis finalement, on est devenu des. C'est devenu du divertissement. Puis on oublie que c'était peut-être du monde bien, bien ancré dans la matière, puis bien, bien pragmatique. Puis finalement, on se compte des histoires. C'est pareil pour toutes, même pour le yoga, puis. Finalement, là, c'est comme il y a des techniques de yoga à un moment donné, la cloison entre la langue puis le bas du palais, elle se détache. Tu te ramasses avec des yogis, ils sont capables de sortir la langue puis de se mettre le bout de la langue dans le front. Mais penses-tu qu'ils vont se mettre à montrer ça au monde? Ils vont faire peur au monde. Le monde va regarder ça, va dire que c'est ça. Ils vont se mettre à grimacer. Ben là. C'est parce que c'est des affaires, tu sais, puis finalement, au début, bon, c'était surtout, c'est tout le temps, dans le fond, des choses qui ont été développées pour être plus incarnées, être plus dans la matière. Quand t'es rendu que tu contrôles ton urètre au point que t'es capable de faire sortir puis rentrer de l'air, là, ça commence à être comme les yogis qui allaient dans le Gange puis ils aspiraient de l'eau avec leur anus puis ils se faisaient un petit lavement, puis après ça, ils ressortent ça, c'est parce qu'il y a une maîtrise du corps qui est spéciale, là. Mais finalement, avec tout ce qui vient après, puis toute l'espèce de folklore qui se greffe, puis la pensée magique, puis le côté fascination, puis tout, ça finit que ça devient n'importe quoi. Puis ces affaires-là, ça va servir au monde à les sortir de leur corps, dans le fond, à les astraliser, dans le fond. Tandis que c'était pas ça le but. C'est comme l'alchimie, ce que c'est devenu. C'est devenu n'importe quoi. C'est devenu des. Puis finalement, bon, le monde, ils sont dans de la pensée magique, puis tu le vois que c'est devenu astral avec le temps. Mais au début, c'était des connaissances bien concrètes. Mais au point où ça va avoir donné la chimie. Mais là, moi, c'est ça qui me décourage. Pour ça que j'ai le nouvel âge, ça m'écœure. Ça m'écœure parce que dès qu'une compétence, ça ne peut pas te servir d'une façon pratique là, puis que c'est quelque chose qui te. Tout ce qui porte à. Tout ce qui fascine l'imagination, tout ce qui porte le monde à dire Ah, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Dès qu'il y a ces aspects-là, tu le sais que ce n'est pas la vraie patente. Ça peut pas. Ça, c'est le grand véhicule pour trier. Il est là, l'espèce de. C'est un petit peu comme. Il y a quelqu'un qui m'avait montré un gars dans. Il est un petit peu dans le supramental. Puis là, quelqu'un me donne son adresse pour aller voir son site. Fait que je vais voir ça. Puis là, j'arrive sur le site, puis c'est plein d'images d'affaires de chakras, puis c'est arc-en-ciel, là, puis là, les belles couleurs, puis toutes les affaires. Là, je regarde ça, puis là, je vois, lui, il offre des séances de chambre à tachyon. Puis... Fait que là, je dis, qu'est-ce que c'est ça, là? Fait que j'y ai écrit. J'y ai écrit, je dis, c'est quoi votre tarif pour une consultation d'une heure? Je l'ai faite par curiosité. Qu'est-ce qu'il a répondu? J'ai jamais eu de réponse. Mais... Possiblement, peut-être que le gars, il connaît mon vrai nom. Parce que moi, j'ai écrit avec mon courriel, là, mon vrai prénom. Puis... Peut-être qu'il sait que c'est moi, puis il dit, bon, Berthold, il veut rire de moi. Mais peut-être qu'il a eu la lucidité de rendre compte que finalement, ce qu'il fait, c'est risible, là. Ben, j'ai l'impression que finalement, j'ai pas eu de réponse parce que ce gars-là, il est tellement désorganisé qu'il donne même pas suite finalement. Parce qu'il est déjà à s'occuper de même, puis il y a déjà une clientèle de ma tante malade qui file pas, qui vont dans sa chambre à tachyon, puis il y a assez de clients dans son coin de même sans que réponde un gars qui est à des centaines de kilomètres. Il n'y a pas besoin de moi, dans le fond. C'est ça, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu marques un point dans le sens que ce soit par rapport au tai chi, le yoga ou plus récemment le supramental, tout finit toujours par être corrompu puis être détourné de son essence première puis être récupéré à des fins mercantiles ou de fascination. Ben oui. Fait que là, tu sais, admettons, c'est comme les affaires, comme ce que je fais par rapport à ma santé, puis les pratiques que j'ai. J'ai pas envie de commencer à expliquer ça au monde, parce que, dans le fond, moi, ce que je trouve qui va être efficace, c'est si la personne avait intégré. Fait qu'elle part elle-même, c'est comme que. L'affaire, c'est que le test ou ce qui est, c'est que la personne, ben, si jamais il faut qu'elle intègre que certaines affaires, ben, peut-être des fois, elle va être naïve, puis elle va aller vers quelque chose qui n'aidera pas. Mais il faut qu'elle vive cette expérience-là pareil. Fait que c'est pour ça que moi, je laisse tout le temps le monde tranquille avec leurs affaires. Je ne vais pas me mettre à dire à un tel, fait ça ou fait ça. Je peux pas faire ça Bien, parce que ça surtout irait. dans le domaine médical, parce que tu ne veux pas te Ouais. faire poursuivre par l'ordre des médecins. Nul est censé donner un avis médical à moins d'être médecin. Même chose pour la réalisation d'un Ouais. diagnostic, parce que des actes Ben, c'est pour ça. réservés. Des fois, je donne mon opinion. C'est une opinion subjective d'un particulier. Mais tu sais, c'est sur des affaires bien vagues. Je vais pas me mettre à faire des dire pour telle affaire, faites telle affaire. Je peux pas faire ça. Fait que c'est pour ça que il y a des affaires, oui, ça stimule le système immunitaire, mais juste mettre du poivre sur tes œufs, ça le stimule. C'est aussi niaiseux que ça, là. Fait que dans le fond, c'est juste au niveau de la vie de tous les jours. À un moment donné, à longue, on finit par le savoir. Qu'est-ce qui. De toute façon, moi, je trouve que ce qui est important, c'est que l'individu, il intègre son expérience. Puis pour ça, faut il faut qu'il développe du discernement. Fait que là, faut il faut qu'il expérimente. Mais c'est sûr que quelqu'un de naïf, ça se peut qu'il se ramasse d'une chambre à tachyon sur une plaque en dessous d'une pyramide. Même si ça prend 5 ans à se rendre compte que ça n'a pas d'allure, ben au moins, en autant qu'à un moment donné, ils se rendent compte que ça n'a pas d'allure. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que la personne, elle va finir par. Elle ne connaît pas les mécanismes d'autosuggestion puis de la suggestion mentale, comment ça marche. Fait que oui, ça va y faire du bien, puis elle va avoir un bien-être, puis tout. Ça se peut que la personne, elle se fasse happer. Finalement, elle va se faire venir du stock pour une chambre à tachyon à 30 000 piastres. Mais en réalité, ce qui était effectif, c'était l'effet placebo derrière ça. Ben oui, c'est sûr que dès que tu as confiance puis que tu penses que tu l'as trouvé, l'affaire doit là avoir un effet. Mais c'est comme, il y a des affaires que finalement, moi, comme je doute de toutes, souvent, ça marchera. Tu sais, si ça marche pas, ça marchera pas. Premièrement, souvent, je vais essayer de quoi puis je crois pas à la base. Il y a bien des affaires que c'est quasiment une surprise, là. De me rendre compte que ça a un effet, surtout ce qui est physiologique des fois, puis mes risques. Ben non, au niveau de mon expérience personnelle, même des fois, je vais dire quelqu'un qui a une douleur à une place, des fois je vais arriver avec une petite bouteille, je vais dire mets ça, puis faut. Puis là, finalement, me faire dire, ben, hey, ça a marché. Ben oui, c'est sûr. Juste le menthol, c'est sûr, ça va avoir un effet, un petit effet analgésique. Des fois, c'est juste parce qu'il y a une tension, parce que tu as un stress. Juste le fait de te frotter puis de prendre soin de toi, ça va régler le problème. Non, exactement. Des fois, c'est des choses qui sont très simples, mais sinon, par rapport à la médecine traditionnelle chinoise, toi, quelle importance tu vas donner au concept de yin et de yang, c'est-à-dire le côté masculin et féminin, puis l'idée de rééquilibrer les énergies dans le corps en fonction de ces polarités-là? Quand il y a un trouble dans l'organisme, tout le temps parce qu'il y a un déséquilibre. C'est pas nécessairement parce que il va pas nécessairement de voir ça comme féminin, masculin tout le temps, parce que là, c'est comme trop linéaire. Des fois, c'est juste un côté négatif, positif. Dans le sens que des fois, tu vas avoir un surplus de tension ou tu vas avoir au contraire un relâchement. Ça, c'est juste assez pour créer un déséquilibre. Puis là, tu vas avoir cinq principes. Dans le fond, qui s'inter-influence. Là, c'est là qu'il faut étudier les principes comme c'est la chaleur, l'humidité, le froid, le chaud. Mais ce n'est pas au sens où on le pense en tant qu'occidental. C'est lié au concept des cycles puis des saisons. Puis là, ça devient bien complexe. Puis après, les éléments, comme le fer coupe le bois alimente le feu. Là, puis à un moment donné, une fois que. Il y a une, parce qu'au début, ça a l'air niaiseux. Tu dis, voyons, c'est. Mais des fois, oui, il y a certains principes comme ça, comme si ton estomac sécrète trop, puis bon, on va avoir la chaleur humide, puis là, finalement, oui, il faut rajouter de quoi qui va assurer, assécher, puis là, finalement, ton estomac sécrète moins, puis finalement, bon, tu fais plus d'acidité. Mais c'est d'être capable de transposer. Puis de synthétiser ces principes-là, puis venir à bout de voir c'est quoi le déséquilibre qui fait que tu as des symptômes. Mais c'est tout le temps un déséquilibre. Mais ça peut être un pathogène extérieur qui a créé un déséquilibre. Donc, c'est quoi qu'il faut renforcer? Des fois, ça peut être un problème parce que justement, il y a quelque chose qui était trop renforci. Ça crée un déséquilibre. Des fois, ça peut être une congestion ou un relâchement. Mais c'est parce que au niveau de la pensée occidentale, un trouble peut pas être causé parce que tu sais, ils vont pas voir ça de la même façon du tout. Dans le sens que, comme par exemple, il peut avoir un organe, il va d'une façon, il fonctionne bien d'une façon excessive, puis ça crée un problème médical. Un occidental peut pas penser de même. Dire, ben là. T'as un trouble parce que tel organe, il va trop bien. C'est difficile pour un occidental de penser de même. Mais on n'est pas porté à penser que la santé, ben, c'est un état d'harmonie puis de stabilité. C'est tout le temps, eux autres, c'est mécanique. Mais non, pas nécessairement. Ça se peut des fois que. Hein, c'est un peu juste comme exemple. Quelqu'un qui fait de l'hyperventilation parce qu'il se ramasse avec trop d'oxygène dans le sang, puis c'en est un, ça, un excès de. Je veux dire, finalement, là, c'est pas que c'est tellement compliqué, mais c'est juste qu'au niveau occidental, on voit les corps comme des autos, avec des problèmes mécaniques, tandis que c'est pas nécessairement ça. Ben Tu non. peux pas. Pour ça, c'est tout le temps un médicament ou une opération. C'est tout le temps ça qu'on nous propose. C'est comme on enlève l'appendice du monde. Mais ça se draine. Il y a moyen de le vider, l'appendice. Dans la culture occidentale, c'est un organe inutile. Mais dans les médecins chinois, dans quelqu'un qui est dans la médecine traditionnelle chinoise, il va considérer que tous les organes y servent parce que c'est un tout. On ne va pas enlever l'appendice à quelqu'un pour avoir rien. Quel monde, ils se font enlever la vésicule biliaire. Il y en a qui se font enlever. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Je veux dire, c'est des affaires. Il faut comprendre c'est quoi qui crée le déséquilibre qui fait que là, il y a un problème avec cet organe-là. Pas l'enlever. T'sais, je veux dire, il y a toujours, dans le sens que là, je suis pas en train de pas faire un disclaimer, c'est pas d'un avis d'un médecin ce que je dis là, mais je considère que ça me fait penser un peu comme dans le temps, les gens plus pauvres dans les années 50, au lieu de soigner une dent, ils l'arrachaient. Ça, c'est typiquement occidental. C'est typiquement occidental de penser de même, genre, ben, je vais me faire arracher toutes les dents puis me faire faire un beau dentier. Mais t'en as du monde en Asie, ils ont 100 ans à passer puis ils ont encore leurs dents. Et pourtant, ils n'utilisent pas de la pâte à dents comme nous autres. Ben non, ils se frottent les dents avec des racines, puis c'est sûr qu'ils sont pas bien belles. Mais justement, le but, là, c'est pas. Mais les Occidentaux, on est dans la surface. C'est l'apparence. Le monde, ils vont changer de char parce qu'il y a de la rouille dessus. Mais je veux dire, c'est pas ça qui fait que t'es un bon char ou pas. Que ton char, il fait un job ou pas. C'est la même affaire pour le reste. Mais je veux dire, si on regarde ça comme un tout, puis c'est une question d'harmonie, puis de. Mais là, c'est un petit peu ça, là. Mais pourtant, ça a ses limites aussi, là. La médecine chinoise, elle n'a jamais vu. Il y a des affaires qu'elle ne voyait pas, puis qu'elle ne pouvait pas voir, c'était limité. Mais il reste que. À un moment donné, l'humanité, il va falloir qu'on se rende compte que les visions de chaque culture sont complémentaires. Puis là, peut-être un jour, on va avoir Médecine une vision. intégrative qui va faire la synthèse des différentes approches. Parce que la médecine occidentale, je la trouve très bien pour traiter un problème de santé physique. Là, ben, tu sais, on a une expertise pour des opérations au cœur ouvert, des trucs comme ça. Par contre, c'est sûr que c'est le volet matérialiste purement, là, tu sais, qui des fois est très réductionniste, là. Ben oui, parce que c'est un petit peu comme on dirait que la connaissance, ça divise le savoir, puis que chaque. C'est pour ça qu'il y en a, il parlait de l'émission des peuples. On dirait que chaque culture voit un versant d'une montagne. Puis ils sont persuadés que c'est. Ils voient toute la montagne, là. Mais à un moment donné, peut-être, c'est un petit peu ça, la tour de Babel. Dans le sens, bon, c'est la création des langues, puis. Finalement, il y a juste un réel. C'est comme si chaque culture, chaque approche, c'est tout le temps parcellaire. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir arriver à un mondialisme, mais intelligent.